Matignon, bonjour. Allô. Allô. Alors, allez-y. Allô. Rue de Varennes. De François Perrache. Quatrième saison, plafond de verre. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Laissez-leur prendre un pied chez vous, ils en auront bientôt pris quatre. 57, rue de Varennes. 19e épisode. Il est toujours fascinant, mes amis, de constater à quel point certains hommes agissent avec obstination contre leur propre intérêt et courent joyeusement à leur perte. Le président Gerland vient de nommer Tiphaine Kervélec au poste de Premier ministre, sans savoir que c'est elle qui va provoquer sa chute. Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Le président Gerland, au moment où commence ce nouvel épisode, est encore à l'aube de son règne. Il va en éprouver d'emblée toutes les vicissitudes. Tiphaine Kervélec a attendu d'être nommée officiellement à Matignon pour lui annoncer une extraordinaire nouvelle. Une nouvelle extraordinaire qui se répète pourtant plus de 4 fois par seconde à travers le monde. Bon, allez, au boulot. Tu veux manger un morceau avec moi? Comme ça, on s'y met tout de suite. L'idéal, ce serait d'annoncer la compo demain matin et que vous vous mettiez immédiatement au travail. Je suis d'accord, on a du pain sur la planche. Mais avant ça, Pierre-Yves, j'ai quelque chose à t'annoncer. À propos de ma santé. Tout va bien. Je suis impressionné. En 15 jours, t'as déjà bien récupéré. Oui, le soir du premier tour, j'ai failli y passer. Oui, je sais que ça t'a beaucoup fatigué. Et Matignon, ça va pas être de tourpeau non plus. Mais je comprends. Je comprends. Et on va se débrouiller pour qu'au moins au début, tu allèges au maximum ta charge de travail et que tu retrouves toutes tes forces. Mais t'as l'air d'aller beaucoup mieux déjà, non? Oui, oui. Hein? Tant mieux, tant mieux. Je suis vraiment désolé pour Périne et toi. Avec Isabelle, on n'a jamais réussi à avoir d'enfant. Donc, je dis pas que je comprends vraiment ce que tu ressens, mais... Bah, et puis, t'es encore jeune. Et avec les progrès de la médecine, maintenant, on pourrait peut-être refaire une tentative quand t'auras quitté Matignon. Parce que je te préviens, Tiphaine, je vais pas te supporter pendant 5 ans. Je suis enceinte. J'attendais des jumeaux. C'est souvent le cas pour une PMA. J'ai perdu un des embryons pendant l'hémorragie, mais le deuxième a tenu. C'est pour ça que j'ai renoncé à la campagne, pour essayer de le garder. Là, j'en suis à la 15e semaine. Je suis enceinte, Pierre-Yves. Et tu vas le garder ? Oui, Tiphaine Kervélec, la première ministre, a gardé son enfant. Et cet enfant nous est né, mes amis. Désirée, elle fut. Et Désirée est le prénom que ses mamans lui ont choisi. 3 mois à peine après son arrivée à Matignon, le jeudi 28 mai, notre héroïne parturiente, soumise au stress incessant de son activité, donnait naissance à une petite prématurée. Laissant le ciel et la médecine veiller sur cet enfant, le temps nécessaire pour qu'elle s'accroche à la vie et reprenant notre histoire. 3 mois après sa naissance, au beau mois de septembre, où la jeune maman Tiphaine Kervélec affronte sa première rentrée politique comme chef du gouvernement. Bonjour docteur, vous sortez ou je rentre? Bonjour Tiphaine. 25 minutes de retard. T'es obligé de venir avec tes gorilles? Commence pas. On peut avoir 2 minutes d'intimité? Bon, messieurs... Y a un autre accès ici? Non, le seul accès, c'est le couloir par où vous êtes arrivé. Ok, on vous attend au niveau de la porte, madame Kervélec. laisse pour PC. On prend un peu d'air. Moi aussi, je dois vous laisser. Quand vous partez, n'oubliez pas de jeter les blouses et les charlottes dans le bac jaune. Ben, c'est vous que je venais voir, docteur. Non, mais t'as 25 minutes de retard. Arrête, s'il te plaît. Je suis désolée, docteur. Vous imaginez bien que... Oui, évidemment, Tiffany. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout expliqué à Perrine. En gros, tout va bien. On voit le bout du tunnel pour Désirée. Elle va bientôt passer le cap des 3 mois, elle commence à prendre un peu de poids, et surtout, j'ai une bonne nouvelle. On a programmé l'extubation pour demain soir. Enfin, c'est génial. Mais demain soir, c'est pas trop possible pour moi. Mais c'est le meilleur moment pour le faire, Tiffany. Le soir, Désirée sera calme, et plus tôt dans la journée, on n'aura pas fini tous ces examens de contrôle. Et après-demain, c'est pas possible ? Tiffany, on va pas laisser notre fille une nuit et une journée de plus dans cette boîte en plastique avec des tuyaux dans tout le corps, juste parce que ça colle pas avec ton agenda. Bon. Écoutez, quoi qu'il en soit pour l'extubation, votre présence n'est pas requise. Et pour tout dire, pas souhaitée. C'est une manip qui peut être délicate et c'est assez violent à regarder. Donc... Le professeur Blanchard fait ça demain soir en douceur et on vous prévient dès que c'est fait. Et Tiffany, j'en profite pour vous dire qu'il faut qu'on fasse aussi urgemment un bilan de santé pour vous. Pardon, mais vous faites peur à voir. Allô, jeune homme ? Je vous ai demandé de ne pas m'appeler au bureau. Utilisez le mail que je vous ai donné. Ne me donnez pas d'ordre, je déteste les mails. Et calmez-vous, vous n'êtes pas le centre du monde. On n'a jamais mis un administrateur du Sénat sur écoute. Adjoint. Administrateur adjoint. Alors, cette adresse, vous l'avez trouvée ? C'est la dernière info que je vous donne. Et c'est pas du tout ce qu'on avait convenu. Était convenu. Quoi ? Rien. Je vous écoute pour l'adresse. D'après ce que j'ai trouvé, elle a pas mal fait d'aller-retour à Plogoff. Plogoff ? Plogoff ? Mais c'est où ça? T'en prends un? Mais non, jamais, tu sais bien. Ok, alors juste un café, s'il vous plaît. Serré. Oui, monsieur. Tu fais quoi cet après-midi? Oh, moi, c'est réglé comme du papier à musique. Je refais un point avec la rédac en rentrant, on valide les sujets, les barcos, et puis... Les quoi? Les barcos. C'est les sujets en infographie qu'on présente en live sur le plateau. Les gens sont devenus tellement cons devant leur télé qu'on est obligé de leur montrer des images pour qu'ils comprennent. Puis à 17h, je commence à écrire mes lancements, en priant évidemment pour qu'il n'y ait pas une dépêche urgente qui tombe entre-temps. Sinon, évidemment, faut tout réécrire. À 19h30, je dicte tout ça à la prompteuse. Et à 20h, c'est parti pour 36 à 38 minutes de direct. Et tout ça sans café. Ça fait combien de temps que tu présentes le JT ? 8 ans. C'est ma drogue. Mais bon, là, je commence à fatiguer. Et tu devrais faire quoi après ? Directeur de l'info de la chaîne ? C'est une proposition ? Enfin, voyons Antoine. Tu sais bien qu'on n'intervient jamais dans les nominations du service public de l'audiovisuel. Et le nouveau président de la radio ? Choisi par le CSA, comme tu sais. Bon, et toi, cet après-midi ? Préparer l'interview de Kervelec ? Pour le coup, moi, dire qu'il y a à Matignon, je sais jamais de quoi sera faite ma journée. Déjà, en temps normal, c'est le job le plus compliqué qui soit, mais avec Tiffany, ça part dans tous les sens. Tiens, tu vois ? J'en suis à 21 mails et 11 SMS depuis le début du déjeuner. 12. Tout urgent, évidemment. Évidemment. Les messages vocaux, je les écoute que si c'est Tiffany ou l'Elysée. T'as pas répondu à ma question sur Tiffany. Vous préparez notre interview de demain ? Tiffany n'a pas besoin d'être préparée. Elle connaît ses dossiers. Et je compte sur toi pour l'aménager. Ouais, tu me connais, je suis un gentleman. Et puis une jeune maman... Elle va bien, la petite ? Elle sort bientôt ? Elle va la montrer ? Ça va, t'inquiète, hein, j'espérais pas que tu me répondes. Hein. Tiffany non plus d'ailleurs, hein. Mais elle me lâchera peut-être un ou deux scuds. Tu sais, j'ai révisionné hein, ses principaux discours. Et puis j'ai une stagiaire qui m'a fait un montage de ses sorties les plus marrantes. Elle met les pieds dans le plat. Hein. C'est bien, c'est rafraîchissant. Pour nous, c'est une bonne cliente, tu sais. Mais côté Matignon, c'est plus compliqué. J'en ai marre de jouer les pompiers de service. Elle s'est fâchée avec la moitié de la classe politique et à peu près tous les journalistes de France. L'Express série. Oui, pour monsieur. Vous pouvez m'apporter l'addition, s'il vous plaît ? Tout de suite, monsieur Boulanger. Laisse, c'est pour moi. Ah bah merci. On pourra pas dire que Matignon achète les journalistes. Oh, je suis tout à fait prêt à vendre mon âme, mais pas pour une petite addition à 150 balles. Non, je te paye le repas parce que j'ai perdu mon pari. J'étais sûr que t'essaierais de me faire dire qui on a choisi comme invité mystère en face de ta patronne. Je suis pas assez con pour te demander. Mais tu espérais que je sois assez con pour te le dire spontanément ? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle va pas aimer. Qu'est-ce que vous répondez à M. Mérouze qui vous accuse, je cite, de mener une politique familiale qui contribue à la dévirilisation de la civilisation française ? Qu'il faut qu'il aille consulter s'il a une angoisse de castration non résolue. Et Patrick Mérieux qui dit que vous avez refusé de le recevoir pour parler de ce projet de réforme qu'il juge profondément en rétrograde, c'est vrai ? Rétrograde ? C'est tout l'inverse. C'était une réforme attendue par des millions de femmes dans ce pays. Il était temps que les pères prennent leur part pleine et entière dans l'éducation des enfants. Je suis très heureuse qu'on ait enfin voté cette loi. C'est une simple mesure d'égalité. Mais vous avez refusé d'en débattre avec Patrick Mérieux. Pourquoi ? Monsieur Mérieux n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique française. Mais pourquoi refuser d'en débattre avec lui ? Parce que, comme disait le général de Gaulle, je parle pas aux cons, ça les instruit. Cette soi-disant phobie administrative serait comique si Madame Chocaz n'avait pas menti, sous serment, devant la représentation nationale. Et je suis choquée qu'une ancienne ministre qui a volontairement soustrait plusieurs centaines de milliers d'euros à l'impôt puisse s'en tirer sans un seul jour d'incarcération. Et pour finir, Madame la Première Ministre, on voudrait vous faire découvrir un petit extrait du spectacle que le président Gerland a organisé hier soir à l'Élysée, à titre privé, je précise. Nous, on a réussi à récupérer quelques images filmées en cachette avec un portable par un invité. Vous y étiez à cette soirée ? Non, j'en ai entendu parler, mais j'avais autre chose de prévu, donc... On écoute un extrait. D'accord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait « L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire un déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. « Attention !» cria Pierre. Et l'oiseau, aussitôt, s'envola sur l'arbre, tandis que, au milieu de la mare, le canard lançait au chat des « coins, coins !» Indigné. Alors, je vois que ça vous fait rire. Le président Gerland, fan de Prokofiev, il récite pas mal quand même, non, il est pas mauvais. Oui, enfin, c'est pas non plus Gérard Philippe, mais les coins coins indignés, pardon. Non, mais c'est vraiment très bien que le président cherche à promouvoir la littérature. Vieillesse 833 euros pour une personne seule. C'est ça, et pour un couple sans ressources. Minimum vieillesse pour un couple sans ressources, je sais pas, le double, 1600 et des bananes. 1293,54 euros. Bon ben, 54 centimes. Là, ça paye toujours un timbre. La moitié d'un timbre, 95 centimes. On continue, SMIC horaire. Ça, c'est facile. 9,75 € brut, 7,50 € net. Base mensuelle ? 1500 brut. 1498. N'arrondis pas au-dessus. Mmh. Jamais, pas avec leur pognon. Ok, 1498, ça fait quoi ça déjà ? 1200 net ? 1149. Putain, 1149 € net par mois. Tu te demandes comment les gens s'en sortent ? Ça avance ? Ça rentre, doucement. Mais sûrement. Alors, boulanger ? Il m'a payé leur pain, mais j'ai pas beaucoup plus d'infos. Je pense qu'il était à la bonne, il devrait pas être trop agressif. Mais j'ai pas réussi à savoir qui ils avaient choisi pour l'invité mystère. Il m'a juste dit que tu l'aimerais pas. C'est vaste. J'espère juste que ce sera de bon niveau pour une fois. Tu lui as bien dit que je voulais aucune question personnelle demain. Écoute, Tiffaine... Tu lui as dit ou tu lui as pas dit ? Oh, tu fais chier, Steve. C'est LE truc que je t'avais demandé de valider avec lui. Savoir si j'aurais Machin ou Tartempion en face pour leur interview surprise, là je m'en fous. Quelle idée à la con, ça encore ! Une interview surprise. Ils sont pas foutus de poser leurs questions eux-mêmes ? Il faut qu'ils aillent nous mettre dans les pattes un syndicaliste de carnaval à moustache ou je ne sais quel réalisateur de film pseudo-social qui va venir me faire la leçon en costume Yves Saint-Laurent ? Je m'en fous, tu m'entends, de leur interview surprise. Je m'en fous, mais je ne veux pas de questions personnelles. Guénaël, passe-moi mon portable, je l'appelle moi-même, boulanger. Tiffaine, essaye pas de me donner le rôle du sale type, s'il te plaît. Tu sais bien que je cautionne pas non plus, on a toujours été réglo avec toi par rapport à ça. On t'a toujours couverte pour Perrine, pour la PMA à Madrid, avec ta famille, mais là... Mais là quoi ? Demain, Steve, pendant que je serai en train de répondre aux questions de ce crétin, parce que, pardon, il n'est pas parti pour décrocher le Pulitzer, quand je serai en train de répondre à des questions même pas dignes d'un élève en première année de journalisme, on sera en train de désintuber ma fille. Ou d'extuber, je sais même pas comment on dit. En espérant qu'on lui perfore pas la trachée dans la manip, et qu'elle survivra sans respirateur artificiel. Eh bien justement, Tiffany, justement. Cette colère que tu as là, plutôt que de nous en faire cadeau, tu ferais mieux de l'envoyer dans la gueule de Blanger. S'il te fait chier sur une question perso, tu lui dis ça. Tu lui dis que ta fille est encore entre la vie et la mort, ça va le calmer, je te jure. Tu me conseilles d'utiliser la santé de mon bébé dans une interview politique ? Tiffany. Je m'adresse à Steve. Tu veux que j'apitoie les gens avec les problèmes de ma fille, c'est ça ? Je te dis simplement que tu es en train de traverser une épreuve personnelle et qu'ils ne te lâcheront pas si tu leur donnes pas un os à ronger. Un os à ronger ? Un os à... Dehors. Tiffany ? Dehors ! Dehors ! Et toi aussi, porte-toi. Petite fiche là. Allez, barrez-vous, bordel. Et vous me dégoûtez. Tous ! Avant de passer à la dernière séquence de l'émission, la séquence de l'invité mystère, je voudrais vous poser une dernière question, Tiffany Karvelek. Avez-vous entendu parler du pass Navigo ? Oui, évidemment. C'est le nom de la carte de transport public dans la région Île-de-France. Exact, il est utilisé tous les jours par plusieurs millions de franciliens. Et pouvez-vous nous dire, Madame Karvelek, combien coûte ce pass Navigo mensuel ? Pardon ? Vous avez beaucoup insisté ce soir sur la question du pouvoir d'achat des Français. Vous avez beaucoup dénoncé la déconnexion des hommes et des femmes politiques par rapport aux réalités. Alors je vous demande si vous connaissez le montant du pass Navigo mensuel RATP. J'avais bien compris votre question, Monsieur Boulanger. Je suis juste un peu étonnée et, pour tout dire, déçue qu'après une heure et demie d'émission durant laquelle j'ai essayé de parler de santé, d'éducation, au passage, j'aurais bien aimé avoir au moins ne serait-ce qu'une question sur la culture, pour laquelle mon gouvernement mène aussi une politique très volontariste. Bon, vous ne connaissez pas le montant du pass Navigo. Je vous dis que je n'ai pas envie de vous répondre parce que je trouve que cette question n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous ne sommes pas à l'école, ni dans un jeu télévisé. Vous n'êtes pas mon professeur, monsieur Boulanger, je ne suis pas votre élève, et je pense que les Français qui nous écoutent méritent mieux qu'un quiz. Eh bien, je vais donc vous apprendre le montant du pass Navigo. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, monsieur Boulanger, depuis le début de l'émission d'ailleurs. Alors je vais être plus claire, je trouve que votre question est nulle, inintéressante et infantilisante, et pour tout dire, indigne du service public. Et je n'ai pas attendu que vous me soumettiez ce genre de devinette. Vous qui, comme moi, ne devez pas prendre bien souvent les transports en commun, pour m'intéresser à la défense du pouvoir d'achat des Français. Mais ça intéresse beaucoup les habitants de la région parisienne. Plus que vous, visiblement. Je vous demande simplement si vous avez au moins une idée du prix de cette carte de transport indispensable aux franciliens. Apparemment pas. Depuis avril dernier, en contradiction, soit dit en passant, avec ses engagements de campagne, le Conseil régional d'Île-de-France a augmenté le pass Navigo mensuel, toute zone, puisque vous ne précisez pas dans votre question, à 75,20 €. En cas d'abonnement annuel, seulement 11 mois sont facturés aux usagers, soit un coût moyen réel de 69 € par mois sur l'année, auquel s'ajoutent éventuellement 7 € et quelques de frais de dossier au moment de la première souscription. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Passionnante, votre question. Et puis, il n'y a pas que Paris, vous savez, dans la vie. Vous connaissez, par exemple, le prix d'un pass équivalent à Lyon ? Non ? Je vous écoute ? Non, mais moi, je ne suis pas là pour... Non, évidemment, vous ne savez pas combien ça coûte à Lyon, parce que ça n'est pas sur votre petite fiche. Alors, je vais vous le dire, monsieur Boulanger. C'est 63 € par mois à Lyon. Je vous parle du plein tarif, évidemment, je n'ai pas en tête les réductions pour les jeunes ou les personnes âgées. C'est 56 € de mémoire à Lille avec le réseau Transpol. C'est un peu plus cher à Marseille, 73 € par mois, mais ça permet une mobilité sur tout le territoire Aix-Marseille-Provence. Je continue, on essaie d'élever un peu plus le débat tous ensemble. Oui, bien sûr. Poursuivons le débat. Justement... Avec notre dernière séquence, la séquence invité mystère. Et notre invité est une femme politique que vous connaissez bien, Tiphaine Kervelec. Cette femme souhaite vous poser plusieurs questions, notamment d'ordre sociétal, à commencer par celle de la procréation médicalement assistée, à laquelle vous avez eu recours vous-même, et au sujet de laquelle vous n'avez pas voulu me répondre tout à l'heure. Mais peut-être accepterez-vous de répondre à notre invité mystère. Face à vous ce soir, donc, nous accueillons la finaliste de l'élection présidentielle, celle contre qui vous auriez dû débattre entre les deux tours si vous n'aviez pas renoncé dans la course à l'Élysée. Avec nous ce soir, Madame Nadine Bousquet. Oui, je voudrais enfin remercier de nouveau le Premier ministre Stevenson pour son accueil ici à Londres et l'excellent dîner que nous venons de partager. Il n'a pas seulement été l'occasion de vérifier l'excellence de la gastronomie britannique, qui égale presque la gastronomie française, mais ce moment convivial nous a également permis de poser les nouvelles bases de la relation entre nos deux pays. J'ai eu l'opportunité de dire, notamment au Premier ministre Stevenson, que la décision de votre Parlement de revenir sur les résultats d'un référendum contesté marque le grand retour du Royaume-Uni sur la scène européenne, ce dont la France, par ma voix, se réjouit. Je vous remercie. Merci, messieurs, dames. Si James en est d'accord, avant de nous quitter, je répondrai volontiers à quelques questions. En français. Ou en anglais, just a little. Oui, madame? Thank you. Tracy Heller, Daily Telegraph. J'ai été correspondante à Paris pendant plusieurs années. Oui, on s'est déjà rencontrés, je crois, hein, quand j'étais à Matignon. Isn't it? Yes, indeed. Monsieur le Président, pendant que vous dîniez avec M. Stevenson, Mme Kervelec, votre chef du gouvernement, était interviewée sur la télévision publique. Oui. Elle a notamment été interrogée en fin d'émission sur la question de l'euthanasie. Oui. Cette question de l'euthanasie fait actuellement débat en France, comme ici en Grande-Bretagne, et Mme Kervelec a rappelé que cela a été interdit dans votre pays. Oui, effectivement. La commission d'éthique travaille, entre autres sujets, sur ce thème. Monsieur le Président, nous venons de recevoir une dépêche AFP. Voilà ma question. Est-il exact, comme l'a affirmé Mme Kervelec pendant cette émission, que votre épouse, Isabelle Gerland, aurait bénéficié il y a 2 ans, en Suisse, d'une procédure d'assistance médicale au suicide? À suivre. Rue de Varennes, de François Perrache. 19e épisode. Chris Nyanguna, Maud Le Grévelec, Hervé Pierre, Gilles David, Christiane Coendi, Guillaume Marquet, Johanna Nizar, Florent Chep, Andrea Brusque, Fabrice Deville, Féodore Atkin, Antoine Berry-Roger, Hassan Thimbault, Agnès Château, Suzanne Fierce, Brenda Clark, Archibald de Forçant Philippon et Delphine Léonard. Bruitage, Elodie Fiat et Sophie Bissance. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Chaleureux remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur accueil amical. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond et Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossir. It's bad, you know.